Bonjour, je voudrais un billet pour Paris, s'il vous plaît. Oui, vous partez quand? Mercredi prochain, le 2 juin, j'aimerais partir le matin. Alors, mercredi 2, vous voulez partir vers quelle heure? En fait, j'aimerais arriver avant 11 heures. Vous avez un train qui part à 8h15, arrivé à Paris à 9h45. Il y en a un autre à 9h30, arrivé à Paris à 11h. Je vais prendre le premier. Oui, vous voyagez en première ou en seconde? En seconde. Vous avez une réduction? Non. Alors, ça nous fera 34 euros. Tenez. Merci, bon voyage. Merci, au revoir.